Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'actualité nous donne-t-elle des leçons ? À bien y réfléchir, la situation qui est aujourd'hui la nôtre est drôlement tendue. Nous savons tous que le passé ne peut pas revenir, c'est même ce qui le définit, le passé est passé et même dépassé, donc trépassé. Et nous savons aussi, parce que nous connaissons mieux certaines contraintes qui pèsent sur nous, que l'avenir pourrait n'être ni rose ni radieux, et qu'il a même quelques allures de mur. Cette situation fait de nous des hommes et des femmes bloqués dans le présent. Pour évoquer cette condition qui est la nôtre et qui n'est pas spécialement neuve, Hannah Arendt citait dans La crise de la culture cette parabole de Kafka. Il y a deux forces antagonistes. La première pousse l'homme de derrière depuis l'origine. La seconde barre la route devant lui. Son rêve, cependant, est de quitter d'un saut et momentanément la ligne de combat et d'être élevé à cause de son expérience à la position d'arbitre sur ces forces antagonistes dans leur combat l'une avec l'autre. Fin de citation. Ce rêve de pouvoir sortir du présent qu'évoque l'auteur du Château fait penser à celui de toute chroniqueuse ou de tout chroniqueur de France Culture ou d'ailleurs. Tous tentent en effet, à intervalles réguliers, de se mettre en résonance avec l'actualité, avec l'espoir fou de la surplomber, de s'en écarter par le haut pour mieux la voir. Par ce stratagème, ils essaient d'insérer l'événement toujours ponctuel dans la ligne du temps, en évitant autant que possible de céder à ce que Vladimir Nabokov appelait le démon des généralités. Mais cela veut-il dire que des événements qui font l'actualité, on pourrait tirer jusqu'à une morale quotidienne, par essence provisoire ? Pour répondre à cette question, j'ai invité Raphaël Antoine. Bonjour Raphaël. Bonjour Étienne. Vous êtes prof, enfin vous vous définissez comme professeur de philosophie sur tous les supports qu'on vous donne. Oui, autant que possible. Et vous êtes rédacteur de La Morale de l'Info sur une radio qui n'est pas France Culture, mais tous les auditeurs de France Culture vous connaissent. Ils vous connaissent même très bien. Et vous êtes déjà venu à la conversation scientifique en compagnie de Jacques Perissalkov pour parler d'anagramme. Alors pour nous mettre dans l'ambiance, est-ce que vous auriez une petite anagramme en rapport avec l'actualité ? Une petite anagramme, de Jacques Perissalco encore. Notre-Dame-des-Landes qui donne, à la lettre près, nomade dans le désert. Ce que je trouve splendide. Et alors c'est une anagramme qui en plus prend tout son sens à l'issue de la décision présidentielle de suspendre les travaux de construction de l'aéroport. C'est à ce moment-là qu'il l'a publié d'ailleurs. C'est à ce moment-là qu'il l'a publié. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'il en a eu l'idée. Jacques Perissalco, que nous connaissons, vous et moi, très bien, est un génie de l'instant. C'est-à-dire que dès que l'actu lui offre le bon terreau, il en fait des fleurs uniques. Voilà, c'est la dernière en date. Est-ce que vous vous reconnaissez, Raphaël Antoven, dans ce que dit Kafka, qui dit qu'on est en fait poussé par le passé dans lequel on ne peut pas retourner, est dans la possibilité d'aller dans le futur parce qu'il n'est pas encore là, et donc on est scotché au présent ? Oui et non. Clément Rosset a une belle formule, il dit « Sois l'ami du présent qui passe, le futur et le passé te seront donnés par surcroît ». On est scotché au présent, mais je ne suis pas sûr que le présent soit exclusif du passé et de l'avenir. J'ai plutôt tendance à penser qu'il est gros de ce qui le précède et, en un sens, gros de ce qu'il inaugure, de l'avenir qu'il inaugure. Le présent est à la fois une fine pointe et c'est une fine pointe qui rassemble la totalité de ce que nous avons vécu et qu'on réinvestit dans l'instant présent. Donc je ne dirais pas du passé qu'il est trépassé. Passé oui, dépassé sûrement, trépassé jamais. Alors vous publiez ces jours-ci « Morale provisoire », c'est l'ensemble des chroniques que vous avez dites pendant 2 ans sur une radio. Europe 1. Et il y en a combien ? J'ai pas compté d'ailleurs. Je ne sais pas, j'ai enlevé la moitié, c'est tout ce que je sais. Il y en a moitié moins que ce que les auditeurs d'Europe 1 ont pu entendre. J'ai enlevé la moitié. J'ai enlevé de ce recueil les chroniques qui me semblaient datées, c'est-à-dire qui me semblaient trop inscrites dans l'événement, qui n'offraient pas la possibilité de s'extraire de l'événement et d'aller vers des réalités plus fondamentales dont l'événement lui-même serait l'écho. Donc j'ai enlevé les chroniques actualisées ou tributaire, trop tributaire de l'actualité pour conserver celle qui, à mon avis, s'appuie sur l'actualité pour aller au-delà. Et est-ce que c'est difficile de trouver un sujet ? Non, Non, parce que c'est le sujet qui vous trouve. Quand vous devez faire une chronique par jour, c'est mon métier, c'est mon travail. Quand vous devez fabriquer une chronique par jour, au début, l'inquiétude est de trouver tous les jours une chose à dire. La particularité de le faire en philosophie ou en prof de philo, c'est que la difficulté n'est plus de trouver un truc à dire, mais c'est d'être trouvé par une chose à dire, c'est-à-dire d'être inspiré par quelque chose. Et les bonnes chroniques, en fait, sont les chroniques qui s'imposent à vous, qu'on a juste à recopier à la seconde où on en a l'intuition, et on le sent tout de suite, on le sait tout de suite. Donc non, la difficulté pour moi a été de trier parmi les idées qui me venaient plutôt que d'en trouver une par jour. Est-ce que c'est un travail intellectuel ? Je vous pose la question parce que vous avez mis en exergue de l'un de vos chapitres une phrase de Simone de Beauvoir qui est celle-ci. « Je suis un intellectuel, ça m'agace qu'on fasse de ce mot une insulte. Les gens ont l'air de croire que le vide de leur cerveau leur meuble les couilles. » Oui, c'est une citation qui se trouve dans les mandarins. L'honnêteté commande de dire que le personnage qui dit cette phrase dans les mandarins est un personnage masculin. Donc voilà, c'est pas elle exactement qui le dit, mais enfin c'est elle. Nous sommes tous les personnages de nos romans, comme nous sommes tous les personnages de notre rêve. C'est une citation que j'avais mise en épigraphe d'une chronique sur Jean-Luc Mélenchon, dans laquelle Jean-Luc Mélenchon parlait de Cédric Villani avec le plus grand mépris, en expliquant que il disait, mais je vais lui expliquer moi au matheux comment ça marche, il sait pas ce que c'est un contrat de travail. Bon, il connaît pas la vie. Il connaît pas les contrats de travail. Alors évidemment, quand Cédric Villani s'occupait du destin de l'hôpital, enfin de Raymond Poincaré, de l'Institut Poincaré, si j'ai bonne mémoire. Qui n'est pas un hôpital. Non, qui n'est pas un hôpital, pardon, c'est pour ça que je me suis repris, bien sûr. Quand il s'en occupait, évidemment. Il signait des contrats de travail. Et puis surtout, c'est la parole de Jean-Luc Mélenchon, qui pour moi est très précieuse pour le chroniqueur. Jean-Luc Mélenchon, c'est du pain béni, hein. La parole de Jean-Luc Mélenchon se faisait ici l'écho d'une parole qui remonte à 1956, c'est-à-dire à l'UDCA de Pierre Poujade et au sentiment que l'intello est un aéroplane, comme disait Roland Barthes. Un hélicoptère. Un hélicoptère, c'est l'hélico-intello. L'intello plane au-dessus du réel. Alors vous en parlez d'ailleurs. Il faut lui apprendre la vie, on va lui faire manger des briques, un peu comme les schtroumpfs font manger ça aux schtroumpfs volants. Il est dépourvu de la force virile de l'avion, il survole le réel en faisant du surplace. C'est toujours d'en haut que l'hélico intello juge et contemple nos turpitudes, nos soucis et notre monde, que ce monde soit la terre, le salariat, la condition ouvrière ou le bon sens paysan. Oui, tous les gens qui disent « mais toi t'es un intello, t'as pas les pieds sur terre, etc. etc. » reprennent sans s'en apercevoir les paroles du plus démagogue des hommes, c'est-à-dire Pierre Poujade, qui faisait à l'intellectuel le procès de souffrir d'une hypertrophie de la tête aux dépens du corps, c'est-à-dire de la réalité. Donc il y a un isomorphisme dans la critique de l'intellectuel. Et or c'est une tradition, la haine de l'intellectuel, qu'on a retrouvé paradoxalement chez Jean-Luc Mélenchon, qui pourtant lui-même sait des choses à des lettres, mais enfin en l'occurrence, ce qu'il disait de Villani reprenait quasiment mot pour mot ce que Poujade pouvait dire de Mendès. On parlait des couilles, on va continuer, hein. Vous dites dans une autre côté, oui. Dire qu'on a des couilles, c'est brandir les couilles qu'on n'est pas sûr d'avoir. Sûr d'avoir compris. C'est une référence, je me suis inspiré de, c'est un syncrétisme Platon-Kosciusko-Morizet, ça. Nathalie Kosciusko-Morizet, en pleine campagne des primaires, bien remontée un matin, toute énergique et combattante, dit « Ah, aujourd'hui je suis en mode greffage de couilles ». J'entends cette phrase, on rapporte cette phrase, c'est un propos qu'elle n'avait pas tenu publiquement, mais enfin on le rapporte, elle ne le dément pas, donc elle l'a dit, donc on peut en parler. En mode greffage de couilles. Or, l'implicite évidemment de l'idée qu'elle était en mode greffage de couilles, c'est que les couilles sont un synonyme du courage. Or, il se trouve que dans la République, Platon distingue l'esprit, le cœur et le bas-ventre, c'est-à-dire les couilles, pour expliquer que le véritable danger, c'est que le cœur, qui est le lieu du courage, soit associé au bas-ventre au lieu d'être associé à l'esprit. Si le cœur est associé au bas-ventre, le courage involue en violence, en témérité, en narcissisme, en vanité, en ce qu'on voudra. Alors que s'il est indexé sur le cerveau, s'il est allié au cerveau, le courage produit les plus belles choses, et notamment Socrate, par exemple, qui était un soldat valeureux, notamment pendant le siège de Potidée. Alors, Platon explique ça pour faire valoir que l'identification de la couille au courage est en réalité un contresens. Et c'est un contresens que reconduisait, peut-être à son insu d'ailleurs, Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça m'amusait de travailler là-dessus. Alors, est-ce que le chroniqueur philosophe que vous êtes fait partie de ces gens dont Baudelaire disait qu'ils sont les peintres de la vie moderne? Ces gens qui cherchent à tirer ce qu'il y a d'éternel dans le transitoire. Bah, c'est le sens de cette démarche, en tout cas. C'est toute la démarche a été dictée par ça. En fait, l'idée d'en faire un livre m'est venue quand je me suis aperçu, au bout de quelques dizaines de chroniques, que comme une vertu émergente de ce travail, la constance, l'ambition permanente était de se saisir d'un événement provisoire et d'extraire de lui, comme on extrait l'ail de sa gousse, d'extraire de lui ce qui, en lui, ne passait pas. Donc, tirer l'éternel du transitoire. Et effectivement, la phrase de Baudelaire dans Le peintre de la vie moderne est reprise elle-même par Foucault dans ses commentaires sur Baudelaire, est une phrase, à mon avis, décisive. Tirer l'éternel du transitoire, c'est ne pas se résoudre à bricoler dans l'éphémère quand bien même l'objet qu'on se donne est un objet fugace. Camus a une très bonne phrase. Il dit, comme toujours, dans Noce, il dit: qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doive pas pourrir? Elle n'est pas à ma mesure et l'aimer serait un faux semblant. Or, ces vérités périssables, pourrissables, ce sont des vérités qui sont à mi-chemin, justement, de l'éternel et du transitoire, du pérenne et du fugace, c'est-à-dire, en l'occurrence, de l'actu dont on a voulu tirer ce qu'on appelle le présent. Mais vous faites une différence entre le présent et l'actualité, justement. C'est une différence fondamentale, c'est la différence entre l'ail et la gousse, ou entre la mélodie et la lyre. La mélodie, c'est le présent, la lyre, c'est l'actu. La lyre peut se briser, la mélodie demeure. C'est la même chose. L'actu et le présent, le paradoxe, évidemment, c'est que l'actu donne le sentiment de changer tous les jours. Un journal n'est jamais le même, et pourtant, rien n'est plus répétitif que l'actu. Un journal n'est jamais le même, mais un journal est toujours le même. Comme dit Peggy, Homer est neuf chaque matin, et rien n'est plus vieux que le journal d'aujourd'hui. Donc l'actu, le paradoxe, c'est qu'elle donne le sentiment de changer tout en donnant le sentiment d'être répétitive. Le présent, c'est exactement le contraire. Il traite ce qui est immuable, c'est-à-dire des passions humaines qui ne changent pas avec les outils variables dont on dispose, et en même temps, il est toujours neuf de parler d'amour, de haine ou de regarder la façon dont les humains essaient de s'entendre ou tentent de se détester. C'est tout le paradoxe du présent. Il traite de ce qui ne passe pas et pourtant son traitement est constamment inédit. Alors que l'actu s'occupe de ce qui change tous les jours et pourtant tous les journaux se ressemblent. On vous sent combatif dans ces chroniques. Vous aimez bien ferrailler, j'ai l'impression. Oui, j'aime bien. Oui, pardon. Dès l'avant-propos, vous dites ceci: malgré les apparences, qu'on soit vegan, fasciste, réac, salafiste, insoumis, suprémaciste, saoudien, filloniste, féministe, antisémite, bourguignon, zadiste, inclusiviste, indigène, macronien, frontiste, corse, je respire, chaviste, américain, socialiste, catholique ou périgourdin, tout le monde est intelligent. Certains mettent juste leur intelligence au service du désir d'être idiot. Oui, c'est le contre-pied d'une phrase de Cocteau qui disait « Le drame de notre temps, c'est que la bêtise se met à penser ». Oui, il a pas tort non plus. L'intelligence est compatible avec la bêtise. Quand Cocteau dit, moi c'est comme ça que je l'entends, que la bêtise se met à penser, il dit cela. Il peut se référer, par exemple, à des propositions stupides qui sont pourtant étayées par une grande culture et par une grande maîtrise des concepts. Je veux dire, la bêtise, l'intelligence n'est pas hermétique à la bêtise. La perspective que je déploie est un tout petit peu différente. En donnant cette liste, qui est évidemment pas exhaustive, je réponds à ce dont j'ai fait l'objet depuis que je suis arrivé à Europe 1 pour faire ces chroniques, c'est-à-dire à une tentative d'étiquetage systématique. Pour le dire simplement, quand vous êtes sur la scène publique, dans l'agora, et que vous essayez de faire valoir des arguments et de créer les conditions d'un débat, tout en parfois donnant votre avis, l'essentiel du travail des gens à qui vous vous adressez, avec qui vous espérez discuter, n'est pas de vous répondre, de répondre à vos arguments par des arguments, mais de disqualifier la question que vous leur posez, de discréditer la question que vous leur posez, en vous accolant l'étiquette qui leur convient. Donc si par exemple, vous faites valoir que « balance ton porc » est une chose absolument nécessaire, est une démarche salutaire qui expose aussi au risque de la délation et à des confusions grotesques entre des dragueurs lourdingues et des prédateurs sexuels. Si vous dites ça, on s'attachera immédiatement, c'est ce que j'ai appelé le parti unanime, à expliquer que vous le dites par misogynie. C'est-à-dire à indexer ce que vous pensez sur l'opinion qu'on vous attribue. On vit dans un monde de procès d'intention. C'est-à-dire qu'on dit, voilà qui vous êtes, voilà comment vous pensez. Et vous ne pouvez pas vous en défendre, puisque c'est parole contre parole. Donc, ce sont des crachats collants qui ont pour seul objet de discréditer la question qu'on pose. Et c'est en cela que... Mais lutter contre, c'est un travail de Sisyphe, du coup. C'est un travail sisyphéen, et c'est un travail qui ne ne peut pas être populaire, puisque c'est un travail qui prend le contre-pied de toute structure majoritaire, c'est-à-dire de tout, de ce sentiment de confort qui accompagne l'expression collective d'un slogan. C'est un travail qui consiste à démonter les slogans, précisément, ou à s'intéresser aux individus singuliers qui composent les foules, en constatant que les foules sont toujours folles et stupides, alors que les individus qui les composent sont pris singulièrement aussi intelligents qu'un, et utilement intelligents qu'un individu peut l'être. On trouve des sujets parfois étonnants dans vos chroniques. Mmh. Raphaël Antoven, par exemple, vous avez un texte consacré à l'éventuelle suppression des feux rouges. Mais oui, mais parce que et c'est... vous arrivez à sortir Kant à ce sujet. Mais parce que il n'a jamais connu les feux rouges. Mais pour le coup, oui, mais ça, alors là, pour le coup, c'était bien. Il n'a jamais connu les feux rouges, mais il a connu la loi. Et surtout, il a connu le dilemme qu'il y a entre le respect de la loi parce que c'est la loi et le respect de la loi parce que ce sont les forces de l'ordre qui vous y obligent. Kant est au cœur de ce problème-là. Parce que alors, d'abord, quel est l'intérêt cinématique à supprimer les feux rouges? Alors, l'intérêt cinématique à supprimer les feux rouges, c'est que quand il y a un feu rouge, en général, les gens accélèrent. Ils passent à l'orange, si vous voulez, ce qui est extrêmement dangereux. Si vous supprimez les feux rouges, les gens ayant peur de mourir ralentissent. Et ensuite, ils déguisent flatteusement leur peur de mourir en désir de protéger les gens. Par exemple, à Bordeaux, il paraît qu'on a supprimé les feux rouges près des écoles, ce qui marche très bien. À Philadelphie, 25% des feux rouges de la ville ont disparu et ça fonctionne très bien. Et là où c'est intéressant, c'est que le lieu commun voudrait que c'est la présence d'un policier. C'est le risque d'une sanction ou d'une verbalisation qui nous fait respecter les feux rouges. Or, ce qu'on découvre ici par des mécanismes étonnants, c'est qu'il y a autre chose derrière le respect de la loi. Il n'y a pas simplement le respect des forces de l'ordre. Ça n'est pas simplement par peur du gendarme qu'on se conduit bien. Or, Kant est le philosophe de l'idée que dans l'élucidation du jugement moral, dans l'élucidation du fondement des jugements moraux que nous formulons, il est le philosophe qui distingue l'impératif catégorique de l'impératif hypothétique. Et l'impératif catégorique implique qu'on s'arrête à un feu rouge, non pas parce qu'il y a une menace, non pas parce qu'il faut protéger, mais parce qu'on doit le faire, tout simplement. Et c'est la découverte de l'impératif catégorique en soi par la disparition des forces de l'ordre ou bien des feux rouges ou des feux tricolores qui m'a semblé intéressant dans cette affaire. Le devoir d'être vigilant prévaut sur le droit de passer. Oui, c'est très étrange dans une société dont on fustige le côté égocentrique, comme disait Barbara Lefebvre dans son livre d'ailleurs, « La génération, j'ai le droit ». Il se trouve qu'au volant, c'est-à-dire alors que l'homme à l'état de voiture est à peu près ce qu'on fait de plus proche de l'homme à l'état de nature, c'est-à-dire de l'animal vindicatif, antipathique, violent, brutal, etc. Eh bien, bizarrement, là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. C'est à l'intérieur de cet habitacle qui rend si con que les individus sont parfois capables de... Donc la philosophie des Lumières aide à penser les feux rouges, ce qui est d'ailleurs pas une contradiction. Ce qui n'est pas si contradictoire que ça, vous voyez, Étienne. On n'est pas si loin de l'actu quand on pratique la philosophie des Lumières. Vous connaissez la règle de cette émission, Raphaël Antoven, mm-hmm. C'est qu'au bout de 20 minutes, on passe une chanson que vous avez choisie. Oui. Je suis un petit peu embêtée parce que j'avais écrit une chanson en hommage à mon papa qui est décédé, mais finalement, il n'est pas mort. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé ? Explique-nous. Non, mais les médecins m'avaient dit il en a jusque mercredi maximum. Alors du coup, moi je me suis dit génial, je vais écrire une chanson, les gens vont être super émus, ils vont voter pour moi. Et puis finalement, je sais pas ce qui est passé, rémission, tout d'un coup il va mieux. Alors du coup, j'ai écrit une chanson sur le fait qu'il s'en est sorti. Non mais c'est chouette, hein, nous on est contents, mais bon, enfin ça fera moins de votes quoi. Tu vas beaucoup mieux, on est vraiment content pour toi. Tu es la preuve que sous nos yeux, de vrais miracles arrivent parfois. Tu sais, le public aime voter pour des gens qui ont traversé des épreuves dures ou bouleversantes. Je suis mal partie pour être la gagnante. Mais ce soir, j'ai envie d'y croire. Je suis si près de la victoire. Il me reste encore une chance, papa, pour que les gens votent. Suicide-toi, papa, suicide-toi. Imagine le buzz que je ferai. Je dirais que tu me regardes l'au-delà. C'est sûr que les gens vont voter. C'est c'est pas une idée tellement folle. Vu ton haut cholestérol, allez s'il te plaît, tire-toi une balle. Pourquoi je gagne les 100 000 balles? Allez, papa, il faut y aller. Et si jamais ça peut t'aider, maman te trompe avec ton frère Jean. Et je suis enceinte de tonton Jean. En plus, cette année, ça craint. Les candidats, c'est des mythos. Hier, j'ai vu Florent et Justin dans le bois de Boulogne faire du vélo. Il y en a mort sur tous les continents. Les estropiés. C'est plus incroyable talent, c'est un défilé de la côte au rêve. Votez pour moi, votez pour moi, allez, votez pour moi. Vous allez pas voter encore une fois pour un connard de chien qui fait le poirier ou une chorale de bretons bourrés. Raphaël Antovanès, est-ce qu'il y a une morale à tirer de cette chanson? Oh oui, c'est très important ce qui se passe là en ce moment. Une morale provisoire ou définitive? Je la trouve merveilleusement affreuse ou affreusement merveilleuse, mais réjouissante. Et d'ailleurs, quand bien même on est choqué, tout le monde rit quand on écoute Laura Lone. Elle est apparue comme une espèce d'ovni. Elle est absolument sans limite. Et en fait, la morale à tirer de tout cela, c'est que l'alternative aujourd'hui, c'est assez simple. Vous prenez d'un côté Laura Lone, qui a une parole totalement libre et un mauvais goût absolu. Et de l'autre côté, par exemple, Océane Rosemary, qui publie une tribune dans Libération pour dire à qui profite le rire, c'est-à-dire qui fait peser sur l'humour le soupçon que les complotistes font peser sur les événements, puisque la grande question du complotiste, c'est à qui profite le crime. Et la thèse d'Océane Rosemary, c'est de dire que quand l'humour est méchant, en fait, il sert à maintenir la domination du pouvoir en place, et qu'au fond, il faudrait suspendre l'humour à la solidarité pour les minorités. En gros, on peut se moquer de tout le monde, surtout si tout le monde est blanc, surtout si tout le monde est majoritaire, surtout si tout le monde est dominant, comme elle dit. Et cette ambition, je trouve le propos d'Océane Rosemary plein de bons sentiments, autrement plus dangereux et délétère que la chanson « Sans limite » de Laura Lone, qui est par ailleurs très drôle, sur le rêve que son père se suicide pour qu'elle puisse gagner le concours. Voilà, il me semble qu'il y a là une alternative vraiment, et c'est presque un choix de société au fond. D'un côté, Charlie. D'un côté Charlie, et de l'autre côté l'ordre moral déguisé en bon sentiment. Et c'est un choix, voilà, c'est un choix à faire. En tout cas, c'est une alternative qu'il faut mettre sur la place publique, dont les gens doivent mesurer l'enjeu et qu'il faut faire vivre. Vous savez, Raphaël Antovanès, cette émission s'appelle La Conversation Scientifique, mm-hmm. hein. Donc il faut qu'on parle un peu de science. Exactement. Et vous en parlez dans vos chroniques, vous parlez de la détection des ondes gravitationnelles. C'est une chronique qui s'appelle Le spasme stellaire. Bon, vous rappelez également que Einstein a prédit ces ondes en 1916, elles ont été détectées un siècle plus tard, et vous comparez cette découverte à celle qui a été faite par Le Verrier. Le Verrier fait des calculs qui, à partir d'une anomalie dans la trajectoire d'Uranus, prédit l'existence d'une planète responsable par sa gravitation de ce petit décalage par rapport aux équations de Newton, la planète Neptune. Moi je crois que c'est un peu différent, c'est-à-dire que Le Verrier imagine qu'il y a une planète pour comprendre un écart entre les calculs et l'observation, alors qu'Einstein tire simplement les conclusions d'une nouvelle théorie qui n'a pas encore fait ses preuves, qui est la sienne, la relativité générale. Vous avez raison, bien sûr, et c'est pas à vous que je vais faire des objections scientifiques, mon cher Étienne. Mais enfin, quand même, juste une chose. Dans les deux cas, le point commun que je trouve, et je parle vraiment sous votre contrôle là, le point commun que je trouve, c'est la préséance de la théorie sur la perception. C'est la façon dont la théorie façonne la perception. Nous n'aurions jamais fabriqué les outils destinés à capter les dites ondes gravitationnelles si Einstein n'en avait pas déduit l'existence de l'inspection de son Absolument. Esprit. Absolument, vous dites, nous avons des télescopes, mais ils avaient l'œil. Oui, c'est ça, ils avaient l'œil, c'est-à-dire qu'ils et avaient la calculs. Pensée. Et bien sûr. Et quand Le Verrier observe une disposition des étoiles ne lui semble pas devoir, enfin qui ne lui semble explicable que par la présence d'une planète qu'on n'a pas encore aperçue et qu'il finit par l'apercevoir. On est ici en présence on est au cœur de la science, c'est-à-dire moment où la théorie ne nous éloigne pas du réel, mais où au contraire aiguise notre regard, nous apprend à mieux regarder. Et c'est vrai qu'il y a un usage délétère de la théorie qui consiste à recouvrir le réel par elle. C'est ce qu'on fait quand on croit par exemple que l'histoire est une science ou bien que on aura le fin mot des injustices en ce monde, mais en revanche, en science dure, parler de théorie, c'est aussi mettre en œuvre des moyens nouveaux de perception des choses. Et c'est là-dessus que j'insiste. Et ce qui est extraordinaire dans cette détection, de cette découverte, c'est qu'elle a prouvé absolument l'existence des trous noirs et aussi le fait qu'ils sont capables de fusionner. Oui. Et on a pu dater l'événement, le situer dans l'espace. Ce qui est incroyable. C'est quand même incroyable, puisque les ondes ne sont pas abîmées par la matière qu'elles traversent. Et ce premier geste, vous savez, cette capacité a été formalisée par Descartes. Descartes est devant un morceau de cire, dont il constate qu'il est froid, dur et fait du bruit quand on tape dessus. Et puis quand on l'approche d'une flamme, il fond, il devient liquide, il se dilate, un parfum s'exhale et il fait plus de bruit quand on tape dessus, et pour cause. Et il dit, pourtant je continue de parler de cire, mais c'est pas dans la cire elle-même que je continue de parler de cire. En fait, c'est par inspection de mon esprit que l'essence de la cire permane, par-delà les altérations de sa forme sensible. Et l'idée que l'inspection de l'esprit garantisse au fond la permanence d'une théorie, par-delà la disparité de ses manifestations, ce geste-là, on le retrouve chez Le Verrier quand il découvre Neptune, avec la découverte des ondes gravitationnelles, et ainsi de suite. Ici, Descartes est véritablement, je crois, précurseur. Vous connaissez l'anagramme des ondes gravitationnelles ? Je l'ai su. Les ondes gravitationnelles, elle a été trouvée par Jacques Prisalkov, le vent d'orage lointain. Le vent d'orage lointain. Ce qui est exactement ça. C'est ça. Moi, je me souvenais de la courbure de l'espace-temps qui donnait superbe spectacle de l'amour. Ça va bien ensemble. Ça va bien ensemble. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Vous parlez de la montagne aussi. Oui. Vous la pratiquez ? Je la pratique. Moins que vous, mais je la pratique. Et vous dites, il faut imaginer les alpinistes heureux. Non, l'alpiniste heureux. C'est important parce que c'était. Mais pourquoi imaginer ? On voit bien qu'ils sont heureux. Ah, on voit bien. Sauf que j'ai fait cette chronique à l'occasion de trois alpinistes qui étaient morts sur les pentes de l'Everest. Et en faisant droit au discours des gens qui disent, mais enfin, faut vraiment être con pour aller mourir dans le froid, dans la froidure, dans l'horreur, à 8000 mètres d'altitude, tout ça pour conquérir un sommet qui ne vous en sera pas reconnaissant. Cette victoire sur soi-même mérite-t-elle qu'on perde la vie ? Il y a des tas de gens qui disent ça avec bon sens, et je les comprends tout à fait. Il y en a aussi qui disent « on va sur les montagnes parce qu'elles sont là ». On va sur les montagnes parce qu'elles sont là, et puis il y a ceux qui disent « pardon, mais est-ce qu'il vaut mieux perdre sa vie ou bien perdre son temps, si vous voulez ? On peut aussi mourir dans l'indifférence générale, dans un espace citadin, là où personne ne s'en rend compte, dans la solitude, après avoir mené une existence qui n'a pas fait de vagues, ni pour soi, ni pour les autres. Et peut-être y a-t-il plus de risques encore à vivre en sécurité de cette façon-là qu'à prendre le risque qu'à jouer sa vie sur les pentes de l'Everest ? C'était cette hypothèse que je faisais valoir, ce qui me permettait de dire qu'il faut imaginer l'alpiniste heureux à la fois parce que, effectivement, c'est un bonheur, c'est une joie, c'est une conquête, c'est une félicité qui n'a pas besoin d'avoir un sens pour être joyeuse. Et puis surtout, le premier alpiniste métaphorique, c'est Sisyphe. Et la dernière phrase du mythe de Sisyphe de Camus, c'est « il faut imaginer Sisyphe heureux ». Et pourquoi ? Parce que l'action de pousser la pierre en haut de la montagne est à elle-même sa propre fin. Sisyphe se moque de savoir... Sisyphe conquiert le bonheur à l'instant où il se fiche de savoir que la pierre va retomber de l'autre côté. Il conquiert le bonheur à l'instant où l'idée d'un but est remplacée par le bonheur de l'action en train de se faire. Il y a dans le fait de pousser le caillou de quoi remplir, de quoi combler le cœur d'un homme, dit Camus. Il y a dans le fait de grimper l'Everest de quoi combler le cœur d'un homme, quoi qu'il en coûte. En plus, Sisyphe se faisait les muscles. Et qui plus est, se faisait muscle. Mais ça, comme il était là pour l'éternité, le fait qu'il ait une musculature avantageuse ne changeait rien. Vous êtes d'accord pour dire que escalader une montagne est une idée absurde, c'est donc une excellente idée. C'est donc une excellente idée. Credo quia absurdum, disait Tertullien. On peut l'appliquer à la montagne. Je crois parce que c'est absurde, je monte parce que c'est absurde. Je vous ai entendu là plusieurs fois dire en même temps, oui. En même temps macronien. Est-ce que vous avez conscience que c'est l'entrée de la mécanique quantique dans la politique ? Non, c'est vous qui me l'apprenez. Moi, pour moi, c'était le refus du simplisme dans un monde complexe. Mais j'avoue que mes connaissances en mécanique quantique ne me permettaient pas de donner cette dimension. Le principe de base de la physique quantique, c'est qu'on peut ajouter les états. Si A et B sont deux états possibles d'un système, A plus B est aussi un état possible. C'est ça, c'est la possibilité d'être grand et petit en même temps, pour le dire très sommairement. Dans un certain sens. Ouais. Si vous faites une mesure, vous avez une chance sur deux de trouver grand et une chance sur deux de trouver petit. Mm-hmm. C'est le chat Schrödinger. C'est le chat Schrödinger. Vivant plus mort. C'est ça. Non pas vivant et mort. mort, c'est pas un mélange. Et donc, en même temps, c'est plutôt la place donnée à la subtilité du discours. Mais c'est par la rapport place à donnée la caricature. À la subtilité du discours. C'est le refus de croire qu'on détient la vérité quand on adhère à une vérité, tout simplement. C'est la nécessité de considérer à la fin d'une vérité la vérité d'en face. Et dans un univers de dogme, la parole de l'en même temps est une parole nécessaire, c'est une parole nuancée. Ce qui est étonnant, c'est d'avoir réussi à gagner en faisant campagne pour des nuances, pour ce genre de nuances. Gagner la bataille en disant en même temps, c'est-à-dire avec un outil si conciliant et finalement apparemment si doux que celui-là, est une des énigmes de la fresque présidentielle de 2017. Vous parlez de Camus à ce sujet en disant que Camus était incapable d'être con ou de n'avoir qu'un seul avis sur la question, ce que son époque ne lui a jamais pardonné. Oui, c'était pendant la guerre d'Algérie, qu'est-ce que vous voulez ? Camus était tenu par l'OS pour un défenseur des Arabes, comme c'était des imbéciles, enfin, pas l'OS qui n'existait pas encore, mais par les Français les plus durs d'Algérie, qui lui reprochaient d'avoir parlé de la misère en Kabylie, qui lui reprochaient d'avoir décrit les collines de Tizi Ouzou, qui lui reprochaient tout simplement de ne pas être ouvertement favorable à l'Algérie française. Et puis de l'autre côté, le FLN lui reprochait évidemment de ne pas justifier les guerres d'indépendance à la façon de Jean-Paul Sartre. Or, le fait est que Camus, français d'Algérie, algérien de France, je ne sais pas, Camus était incapable de prendre un parti clair dans cette histoire parce que la réalité ne s'y prête pas. La réalité dans sa complexité suppose qu'on entende ici les deux discours, non pas dans ce qu'ils ont de plus sot, c'est-à-dire de plus fermé sur eux-mêmes, mais dans ce qu'ils ont de plus ouvert, de plus disponible à l'altérité, justement. C'est ce que faisait Camus, c'est la raison pour laquelle tout le monde lui en a voulu à ce moment-là. Il faut prendre une décision. Par exemple, vous avez évoqué le Notre-Dame-des-Landes, il y a une superposition, c'est-à-dire on trouve des arguments pour dire que c'est bien, des arguments pour dire que c'est pas bien. Alors, mais on peut pas faire être et ne pas être cet aéroport, donc il faut trancher. Et alors ce qui est intéressant dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, quand le Premier ministre et le Président ont tranché, c'est qu'on savait vraiment pas la décision qu'ils allaient prendre. Pour une raison simple, c'est que les logiques de pression, les groupes de pression qui précédaient cette décision étaient équivalents. Ça fait des dizaines d'années qu'on s'entretue sur Notre-Dame-des-Landes et qu'il y a les deux camps qui s'opposent. Le référendum avait donné la victoire aux partisans de l'aéroport. Il avait été contesté dans sa structure par les adversaires. Il était local, il n'avait pas non plus force de loi. Donc, bref, on ne savait pas ce qu'ils allaient décider. Ce qui donnait à leur décision la valeur rarissime en politique d'une décision véritable. Si vous pensez à François Hollande, par exemple, ou Jacques Chirac, à part la dissolution de l'Assemblée, qui est la décision la plus bête de l'histoire de la politique, Jacques Chirac ou François Hollande n'ont jamais pris de décision. Toutes les décisions, entre guillemets, qu'ils ont prises leur étaient dictées par les circonstances. Ils n'avaient pas le choix. Hollande n'avait pas le choix de virer ou de ne pas virer Cahuzac, par exemple. Donc c'est une décision, bien sûr, mais elle était dictée par les circonstances. Ici, rien ne l'a dictée, paradoxalement. Les gens en parlaient depuis des décennies, mais les camps étant équivalent, cette décision devenait souveraine. Elle n'était, les forces antagonistes qui se précipitaient sur elle s'annulaient par leur puissance. Cette décision était souveraine. Et le seul à pouvoir penser ça, à permettre de penser ça, c'est Carl Schmitt. C'est le juriste nazi, Carl Schmitt, qui a été la caution juridique du Troisième Reich pendant quelques années quand même. Mais enfin, qui est le penseur du décisionnisme, c'est-à-dire de la souveraineté d'une décision hors droit, au principe même du droit. Et c'est paradoxalement cette scène-là que Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont rejoué. C'est-à-dire, ils ont revisité l'origine du droit, en amont même du droit, une décision arbitraire, souveraine et arbitraire. Est-ce qu'on est ici Il y avait une chance sur deux que ce soit oui et une chance sur deux que ce soit non, exactement comme en mécanique quantique dans les cas que j'ai indiqué tout à l'heure. Mais alors, ce qui est intéressant de mon point de vue, quel que soit le contenu de la décision qu'ils prennent, ça ne change rien au caractère décisionniste de leur démarche. Je n'étais pas là pour justifier une décision. J'étais juste là pour m'interroger sur la forme prise par cette décision et son caractère anté-juridique, en un sens, et l'usage qu'on pouvait en faire en termes de droit. J'ai dit que François Hollande n'avait jamais pris de décision. J'ai mis un bémol, peut-être la grâce partielle à Jacqueline Sauvage. Et encore non, c'était sous l'effet de pression. Donc non, je maintiens. Le bonheur ne fait pas le bonheur. Oui. Oui, parce que vous n'avez jamais été heureux sans qu'une petite voix ne vous susurre à l'oreille. Ça va pas durer. Dépêche-toi mon pote, ça va pas durer. Autrement dit, c'est très simple. Le bonheur, quand il est conscient de lui-même, redoute immédiatement son propre achèvement. Donc la conscience que le bonheur prend de lui-même le fait devancer la fin du bonheur. Autrement dit, dès qu'on est heureux et qu'on le sait, on est inquiet de ne plus l'être. On redoute de ne plus l'être, c'est-à-dire qu'on ne l'est déjà plus. Le bonheur est immédiatement contaminé par la perspective de sa suppression, et c'est en cela que le bonheur ne fait pas le bonheur. Et que ses fruits sont empoisonnés, si vous voulez. Mais est-ce qu'on n'est pas empêché de l'atteindre par le fait qu'il y a toujours une condition qui manque? Woody Allen disait « Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux ?» Ouais, bien sûr. Mais il me manque quelque chose pour l'être. Ah, ça, alors, je ne sais pas. Je pense, j'aurais tendance à penser le contraire, justement. C'est comme il est aisé d'être heureux, et en même temps, quelle tristesse de savoir que nous ne sommes heureux qu'un temps. C'est au nom d'ailleurs de ce caractère éphémère du bonheur que Socrate refuse de coucher avec Alcibiade. Il ne veut pas coucher avec Alcibiade parce que il ne veut pas verser dans un bonheur, dans une félicité extrême, celle des corps, qui n'est pas durable. L'amour qu'il porte à Alcibiade mérite mieux qu'un écrin fugace, qu'un écrin provisoire. Ce qui, à mon avis, est un malentendu complet. C'est pas parce que le bonheur ne dure pas qu'il faut s'en priver. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est Spinoza qui l'explique, justement. Mais en revanche, quand je dis le bonheur ne fait pas le bonheur, je réponds à tous ceux qui font du bonheur le but d'une société. D'abord, c'est un projet totalitaire, puisque le bonheur, chacun s'en fait une idée différente. Donc, quand on veut rendre une société heureuse, c'est qu'on impose à l'ensemble des gens une idée du bonheur qui, par définition, ne peut pas être la leur, pas complètement en tout cas. Donc c'est un projet totalitaire, c'est un projet fou parce que les hommes s'ennuieraient s'ils étaient heureux. Mais surtout, c'est totalement impossible dans la mesure où personne n'est moins heureux qu'un homme qui recherche en permanence le bonheur. Vous parlez de bonheur, Raphaël Antovan, c'est le moment d'écouter Perfect Day peut-être. La chanson l'horrible. Du bonheur. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Raphaël Antovan, Lou Reed, Perfect oui. Day. Mais parce que rien n'est plus difficile qu'une journée réussie. On dit en général qu'il faut réussir sa vie, mais réussir sa vie c'est facile, il suffit de se donner un but et d'y arriver, ou de ne pas y arriver, mais d'avoir vécu, de l'espérer. Réussir sa journée c'est beaucoup plus compliqué, en particulier quand les circonstances ne s'y prêtent pas. Et il y a dans cette chanson quelque chose comme une promesse au sens très très fort du terme. C'est-à-dire que ce ne sont pas tant les circonstances de la journée, la beauté du soleil ou la profondeur de l'alcool qu'on va boire qui garantissent la réussite de la journée. C'est le rapport à toutes ces activités. C'est le rapport qu'on entretient avec ces activités. C'est la capacité de les désirer quand bien même elles ne durent pas. Et je citais Camus tout à l'heure au début de l'émission comme viatique pour la démarche de ce livre. C'est-à-dire, qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doive pas pourrir? Et ce qui vaut philologiquement, philosophiquement dans cette démarche de s'appuyer sur l'actu, vaut aussi, je crois, éthiquement dans le rapport qu'on entretient avec sa propre vie et surtout les journées qui nous attendent. Quand Michelet voit arriver les Prussiens, qu'il a froid, qu'il a plus de bois, qu'il a rien à manger, qu'il a rien à boire, et qu'il tape du poing sur la table et se sent en lui un élan, je sais plus comment il dit ça, de jeunesse et d'avenir, il y a là quelque chose d'inexplicable, mais qui relève d'une disposition du caractère. Pascal, vous savez, dit « J'ai ma pluie et mon beau temps au-dedans de moi, le bien de mes affaires n'y fait rien ». Et j'aime cette idée-là. J'aime l'idée que nous sommes nous-mêmes, selon notre caractère, ou bien la capacité que nous avons à accueillir les bonnes ou les mauvaises nouvelles, j'aime l'idée que le bonheur dépende de notre caractère, plus que des circonstances. Donc ça va au-delà du carpe diem. Ça va bien au-delà du carpe diem, qui m'a toujours semblé une doctrine anxieuse, puisque carpe diem, c'est vraiment, pour le coup, c'est ce que je disais du bonheur tout à l'heure, mignonne, va cueillir la rose, parce que bientôt elle va faner, donc dépêche-toi ma grande, ça va pas durer. Quoi de plus anxiogène, au fond, que l'injonction de vivre chaque instant comme s'il était le dernier? Non, là c'est vraiment autre chose, c'est plutôt... Vous connaissez l'anagramme de carpe diem? Ça déprime. Bah voilà, tout c'est le fond de l'affaire. C'est le fond de l'affaire. Si carpe diem ne déprimait pas, précisément, on serait pas là à essayer avidement de grappiller quelques miettes de journée, quelques miettes de lumière. Il y a quelque chose d'anxieux dans l'avidité. Il y a quelque chose d'anxieux dans l'avidité qui est paradoxalement soluble dans la capacité à jouir. Bizarrement, l'homme qui est avide de toutes ces petites félicités quotidiennes, carpe diem, est aussi quelqu'un qui, de cette façon-là, témoigne qu'il ne porte pas en lui la vocation d'un jouisseur, mais qu'il a plutôt la vocation d'un inquiet. C'est redoutable comme difficulté, le carpe diem. Rien n'est plus sympathique et en même temps, rien n'est plus angoissant. Mais on peut cumuler. On peut cumuler. On peut faire du en même temps, là aussi. C'est pas parce qu'on est heureux qu'on ne jouit pas, c'est pas parce qu'on jouit qu'on n'est pas heureux, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez raison, on peut cumuler, il n'est pas dit que le bonheur soit contradictoire avec la joie, mais en revanche, c'est pas la même chose. Vous êtes un grand spécialiste de Proust, Raphaël Antoine. Grand spécialiste, c'est beaucoup dire. Je suis un grand amoureux. Voilà. Est-ce qu'il vous aide à comprendre l'actualité, à la commenter, à en tirer une morale? En toutes circonstances. J'aurais pu faire chacune des morales que j'ai faites. Parce que vous le citez souvent, mais moins qu'on pourrait s'y attendre. C'est parce que, à chaque fois que je ne le cite pas, c'est parce que je me suis retenu de le faire. Proust, c'est la recherche du temps perdu fonctionne sur à peu près la totalité des sujets, si vous voulez. Et puis surtout, la recherche du temps perdu dit le fin mot de la démarche. Quand Swann explique au narrateur, on peut trouver autant de choses intéressantes dans une pensée de Pascal que dans une réclame pour savon. Il formule exactement, c'est exactement la formule de ce petit livre, des morales provisoires. Les réclames pour savon sont aussi passionnantes que les pensées de Pascal. C'est le regard de l'alchimiste qui fait tout. Tout est en plomb, c'est-à-dire que tout est en or possible. Mais ça dépend de l'œil. Vous avez une chronique qui est une sorte d'hommage à Pérec, à la disparition de Pérec. Mmh. Une chronique écrite sans la lettre E. Ouais. Ça vous a pris combien de temps pour la rédiger? La journée entière. C'est la seule que j'ai eue. Est-ce que c'était Perfect Day? C'est une journée géniale. C'est une journée, quand vous rentrez chez vous et que votre seule tâche consiste, il est 9h moins le quart, vous avez fini la journée puisque vous avez fait votre chronique, il est 9h moins le quart du matin et votre seule tâche consiste à pondre un pastiche de Pérec de la victoire d'Emmanuel Macron pour le lendemain et à écrire 3000 signes sans employer une seule fois la lettre E, vous êtes comblé à l'avance par la journée qui vous attend. C'est l'intérêt de ce métier. J'ai admiré l'exercice, vraiment. Hein. Mais je me suis tellement amusé. Il suffit d'un iota d'imagination pour ça. Il y a un an, l'aspirant candidat ayant pour nom Manu Macron... Manu Macron. Vous avez un peu triché. Inconnu au bataillon, fils putatif du pape François, qui largua durant son mandat, qu'on soupçonna gay, mais qui, sourd au ragot, maria sa prof, dont nul n'imaginait, alors qu'il parvint au pouvoir par un scrutin, Macron donc, lança son futur parti, imposant à tous qu'on marchât. Eh oui! Je pouvais pas dire en marche, donc j'avais besoin du subjonctif imparfait. C'est merveilleux, le subjonctif imparfait. Il fait deux pages ce texte. Oui. Oui, mais c'était très très amusant à faire. C'était très amusant. Et alors il y a eu un malentendu puisqu'à un moment dans le texte je dis tout allait à volo quand Macron gagna. Or à volo, l'une des orthographes de à volo c'est VAU-L'EAU. Or moi je voulais dire VOLO. À volo, à l'italienne, si vous voulez. Ce qui va faire hurler notre François Connac, qui connaît le sens des mots, surtout les mots italiens. Le fait est que, bon, voilà, il y a eu un malentendu là-dessus. La chronique est vraiment sans un seul E. J'ai adoré faire ça. Et mon regret est que Pérec n'entre pas plus souvent dans la Pléiade pour me donner un prétexte pour traiter l'actu de cette façon. Il y a une exposition à Paris sur Che Guevara qui fait pas mal couler d'encre. Mm-hmm. Vous avez voulu consacrer, non pas à l'exposition, mais au Che, une chronique qui se termine quand on commence en demi-dieu, on finit en porte-clé. Oui, c'est le paradoxe du Che, c'est qu'il incarne collectivement la figure de l'irréductibilité au mécanisme mortifère de la loi du marché, tout en étant lui-même le meilleur des produits. Donc, le Che, ou le marché, la loi du marché, ce qu'on appelle la loi du marché, c'est la loi qui transforme en produit et qui porte au pinacle celui qui conteste la loi du marché. Le marché n'aime rien tant que les gens qui le détestent, en particulier quand ce sont des figures mondiales. Donc le Che, c'est le super produit de l'anti-marché, ce qui est extraordinaire. Et puis, à cela s'ajoute, dans le cas particulier du Che, une autre imposture, c'est-à-dire que c'est une grande figure morale, alors que le type était un assassin, une brute et un sale type à tous égards. Je veux dire, il était bon joueur d'échecs. C'est peut-être la seule excuse qu'on peut lui trouver. Et encore, si c'en est une. Mais le Che était un homme violent, brutal, qu'on a voulu célébrer par une sorte de malentendu révolutionnaire. On a voulu penser que cet homme-là était la figure de tous les espoirs qu'on ne verrait pas se réaliser. Donc il incarne cela, ce qui fait de lui, encore une fois, un merveilleux produit. Et Anne Hidalgo, qui ne propose finalement que des produits aux Parisiens, n'a pas raté l'occasion de célébrer cette figure fétide dans une exposition qui est à sa gloire, qui est à la gloire du Che, qui a été organisée par des turiféraires et qui est une chose, à mon avis, alors là pour le coup, obscène. Il y a assez peu d'indignation dans ce livre parce que j'ai tendance à penser que quand on s'indigne, on ne pense pas. Et c'est aussi la raison pour laquelle je n'y ai pas mis la chronique que je consacre à l'exposition justement sur le Che dans Paris, parce que ça n'était que de l'indignation pour moi. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'un robot, Raphaël Antovanat, après vous? Est-ce que vous vous intéressez aux nouvelles technologies? On parle beaucoup d'intelligence artificielle. J'ai pas le choix. Les puces et les robots, c'est le bonheur. Surtout que ce sont des objets archaïques, en fait, les puces et les robots, au fond. On a toujours inventé ça, sauf que ils étaient moins efficaces avant. Tomber amoureux d'un robot, c'est évident. On pouvait tomber amoureux d'une statue, hein. Pygmalion tombait amoureux de sa statue. Alors évidemment, les dieux lui ont donné la vie ensuite, mais bon. Mais vous dites que beaucoup d'hommes sont tombés amoureux de Madame Bovary. Mais bien sûr. Mais dans quel sens? Qu'est-ce que ça veut dire tomber amoureux d'un personnage littéraire? Au sens où rien ne nous semble plus désirable que cette personne, au sens où quand Flaubert l'a décrit, quand il décrit les très légers duvets qui ombragent le haut de ses lèvres, quand il dit jamais Madame Bovary ne fut aussi belle qu'à cette époque, quand il raconte comment elle touille la pelouse avec la pointe de son parapluie pendant que sa levrette d'Italie, puisque c'est le nom de son chien, ça s'invente pas, gambade autour d'elle, on a le droit de tomber amoureux de cette femme. On n'a presque pas le choix, en un sens. Donc on peut tomber amoureux d'un robot, on peut tomber amoureux d'un personnage de roman. L'amour n'a pas besoin d'être réciproque. Romain Gary dit, dans Gros câlin, être aimé c'est bien, mais aimer c'est de première nécessité. L'amour n'ayant pas besoin de la réciprocité, il peut se donner, il peut se porter sur un objet même. Parfois vous traitez des sujets du baccalauréat. Est-il absurde de désirer l'impossible? Oui. On va bientôt célébrer les 50 ans de mai 68, dont un des slogans était « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». Comment est-ce que vous auriez traité ce sujet rapidement? Sur la question de l'absurdité de désirer l'impossible, c'est effectivement, si c'est impossible, comment peut-on le désirer? Et dans le même temps, en même temps, comme dirait l'autre, qu'est-ce qui fait l'objet du désir, sinon précisément ce qu'on ne peut pas atteindre et qui, pour cette raison, comme un idéal régulateur, oriente notre action? Donc le paradoxe, c'est qu'il est absurde de désirer ce qu'on n'obtiendra jamais puisque c'est impossible, et dans le même temps, désirer ce qu'on n'obtiendra jamais est exactement ce qui donne du sens à la vie. Donc c'est un absurde qui donne sens à la vie. Donc comment fait-on? Et moi, en camusien de cœur que je suis, j'aurais conclu sur la sagesse qu'il y a à désirer ce qui est plutôt qu'à espérer ce qui n'est pas ou à attendre ce qui n'est pas. Je trouve plus de sagesse dans la capacité à se saisir du fruit qui nous tend les bras ou qu'on a sous la main que dans la capacité à regarder au-delà des apparences ou à imaginer un monde parallèle. Mais peu importe, en un sens. Ce qui est intéressant pour un élève de terminale, c'était de saisir la problématique. Un, bien sûr, il est absurde de désirer l'impossible puisque c'est impossible. Deux, si on ne désire pas l'impossible, la vie perd de son sens. Donc c'est un absurde qui donne sens, et c'est ça qu'il faut réussir à penser. Alors moi j'aurais dit aussi que les physiciens ont un slogan qui est presque la contraposée de celui de mai 68, qui serait plutôt « Soyons impossibles, demandons la réalité ». Demandons la réalité, ce que je trouve beaucoup plus intelligent. Et pour l'atteindre, il faut parfois admettre que des lois qui semblent impossibles sont vraies, c'est-à-dire des lois qui sont contradictoires avec l'observation. Et alors ce qui est intéressant, vous savez, dans le slogan de mai 68, j'y reviens, parce que « Soyons réalistes, demandons l'impossible », c'est que le réalisme, si par réalisme on entend le refus de l'espoir, l'éthique de responsabilité, la nécessité de pondérer les décisions, de s'accommoder du réel, bref, le truc qui fait pas rêver au fond, être réaliste, voilà, il est réaliste, c'est pas un rêveur. Si le réalisme c'est ça, alors demander l'impossible fait partie du réalisme dans la mesure où l'espoir ou l'espérance sont les ferments de la docilité des sociétés. On peut tout infliger à un peuple qui a l'espoir. Tant que vous avez l'espoir, vous pouvez subir n'importe quoi. Et de sorte que on pourrait tirer ce slogan du côté le plus conservateur qui soit, qui est de dire, voilà, quand vous êtes réaliste, vous vendez l'impossible aux gens et ça leur permet d'endurer le réel et finalement de ne pas se révolter. L'espoir est pensable aussi comme un éteignoir. Et en cela, ce slogan peut être exactement inversé. La proposition « Soyons réalistes, demandons l'impossible » est une proposition dont le sens est réversible. Je pense que je vous aurais donné une bonne note. Mais, Raphaël, je regrette de ne pas vous avoir eu comme prof, mais vous dites dans un chapitre, d'être amis. Vous dites dans un chapitre, vous posez la question, faut-il supprimer les notes ? Oui. Oui. Ce qui empêche d'en avoir de bonnes. Ben, le problème de la suppression des notes, c'est qu'elle est immédiatement remplacée par une nouvelle évaluation. C'est-à-dire, par exemple, on remplace les notes de 0 à 20 par les notes de A à E. Donc on considère, on remplace les notes par des smileys. Ou alors on met des smileys. Peu importe. Dans tous les cas, il y a un symptôme de l'évaluation. Enfin, il y a un signe d'évaluation. Que vous mettiez des smileys, des fleurs avec des nombres de pétales, ou bien des notes, de toute façon, vous ne pouvez pas sortir de la notation. Donc ça, c'est une première chose qui faisait, à mon avis, de cette proposition. Je trouve que dans une vie antérieure, j'ai pris... Vous avez été à la manœuvre dans cette affaire. Et je défendais exactement cet argument devant des gens qui voulaient plutôt supprimer les notes. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a toutes sortes de biais dans la notation. Et puis qu'une véritable évaluation, c'est à la fois une mesure d'un devoir, et on dit ce qu'il vaut, mais aussi une indication qu'on devrait donner à l'élève pour qu'il sache quoi faire pour passer, par exemple, de 12 à 14. Mais moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en première, mon professeur de latin, Monsieur Azoulay, immense professeur de latin, merveilleux professeur de latin, dont on avait une version à faire par semaine. On avait une interro par jour et une version à faire par semaine. Et à chaque fois qu'il nous rendait la version, donc la semaine d'après, c'était le mardi. Le mardi, c'était le jour où on rendait la version et on recevait la copie. J'avais toujours zéro. Tout le premier semestre, j'avais zéro. Et entre parenthèses, il me mettait ma note véritable. Donc, la première version, je m'en souviens, j'avais eu moins 64. Puis j'étais passé à moins 46. Et un jour, il me met zéro avec, entre parenthèses, moins 12, commentaire en progrès. Et ça, c'est un point qui a été discuté, parce qu'un élève qui est très mauvais, mais qui progresse très vite, peut avoir zéro à toutes Je suis passé de moins 64 à moins 12 en latin, ce que j'ai vécu comme un signe encourageant, et de fait, in fine, j'ai eu la moyenne au bac. Je veux dire, J'avais proposé une notation non linéaire, pour que le progrès se voit. Oui, une notation quantique aussi. Pas quantique. Vous savez qu'en philosophie, les notations sont quantiques. Et ça a été jugé trop compliqué. Et puis, pourtant, la notation est absurde, en particulier en philosophie. Il n'y a pas de critère objectif. Si, on peut évaluer la cohérence, la rigueur, l'orthographe, mais on n'évalue pas le contenu. Vous pouvez être un professeur marxiste qui note favorablement un élève libéral si la démarche est cohérente. Ou alors le type est un imposteur et un scandale et il déshonore sa profession. Et inversement. Donc, a priori, la notation ne dit pas le fond des choses. Et pourtant, on ne peut pas s'en passer. Comment voulez-vous évaluer sans noter ? Et puis, si vous supprimez les notes, vous étendez le régime de la notation à tous les domaines de l'existence. Or, le régime de la notation est étendu à tous les domaines de l'existence. Vous êtes noté quand vous prenez un Uber. Vous êtes noté quand vous conduisez un Uber. Vous êtes noté en toutes circonstances. La discussion même que nous avons, mais justement, une application qui nous permettrait de la noter. Est-ce que ce n'est pas trop ? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'évaluation ? Mais c'est le régime de l'évaluation serait étendu par la suppression des notes à l'école. Si on maintient les notes à l'école, c'est-à-dire si on cantonne la notation à l'espace qui lui est destiné ou qui lui est dévolu, on ne risque pas ensuite, à mon avis en tout cas, de l'étendre au registre, par exemple, du sentiment. On va quoi ? On va mettre des notes à ses maîtresses ? On va mettre des notes à ses amants ? Mais par exemple, on avait, au cours de ce débat national, auditionné des experts, notamment Antoine Prost, historien de l'éducation, qui nous avait expliqué qu'il n'y a pas toujours eu des notes à l'école. Au 19e siècle, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de notes au concours de Polytechnique. Oui, il fallait, Les élèves passaient devant un jury, ils étaient évalués, sélectionnés. Sans notes. Enfin, et c'est parce qu'on a mis des notes dans les grandes écoles, de classement de sortie notamment, que les notes sont redescendues dans tout le système scolaire. C'est possible. Le fait est que même en l'absence de notes, il y avait bien un classement. Il y avait bien un critère pour dire celui-là il peut entrer et celui-là il peut pas entrer. Donc supprimer les notes, on peut se faire plaisir en disant qu'on va supprimer les notes, on peut aussi supprimer les épreuves. Et puis après tout, supprimons la difficulté. Ça ira plus vite. On peut aplanir le monde, lisser le monde indéfiniment. En réalité, c'est un effet de langue. On se fait plaisir, mais on supprime rien du tout. Non, mais ce que je voulais dire, c'est simplement qu'on a identifié, presque scientifiquement, des biais qui font que les élèves ont tendance à reproduire des performances qui correspondent à la réputation qu'ils ont. Du coup, il faut en avoir conscience quand on note pour que ces biais disparaissent autant que possible. Ça, c'est le rôle du correcteur. C'est le rôle du correcteur. Par exemple, quand on soumet des élèves qui ont la réputation d'être mauvais en mathématiques, ils le savent, on leur donne un exercice en leur disant que c'est un exercice de géométrie, ils vont rendre une mauvaise copie. Si on leur dit que c'est un exercice de dessin, ils feront aussi bien que ceux qui ont la réputation d'être de bons élèves en mathématiques. Puissiez-vous avoir raison. Et donc la façon de présenter les exercices a une incidence très forte sur les performances, entre guillemets, réalisées par les élèves. Ah, la façon dont la théorie altère la perception. C'est la docimologie, la science de l'évaluation, qui est une science morte au sens où la termination de travail n'est peut-être pas suffisamment prise en compte dans la façon de noter. Nietzsche dit que la vie ne s'évalue pas. Et de fait, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on ne peut pas compter. Donc il y a de l'inévaluable dans l'existence, précisément. Je ne suis pas en train de dire que tout doit être noté, au contraire. Je dis au contraire que la suppression des notes à l'école aboutit à une extension délétère du régime de la notation à des domaines qui pourtant ne doivent pas s'y prêter, comme les sentiments. Est-ce que vous continuez actuellement vos chroniques à Europe 1 et vous comptez le faire encore longtemps ? Et tant que Europe 1 me prête vie. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est un travail chronophage et merveilleux. J'ai l'impression d'être en apesanteur à un mètre du sol. Mais comment vous faites pour à la fois disposer de cette culture qui vous fait insérer l'événement dans une histoire de la pensée que vous connaissez très bien, tout en gardant le temps pour entendre l'actualité? Mais vous savez, pendant longtemps, moi, quand je travaillais à France Culture notamment, mon cahier des charges était précisément d'inactualiser mon propos. François Connac s'en souvient bien, avec qui j'ai travaillé tant d'années, moi aussi, pour mon plus grand bonheur, parce que il s'agissait d'inactualiser le propos. On pouvait faire des émissions sur Maître et Carte en pleine rentrée littéraire. Je veux dire, on pouvait parler de Kant au moment où Welbeck sortait son livre. Vous voulez dire c'est l'inverse ? Que vous faites l'inverse aujourd'hui ? C'est vraiment un autre travail. C'est-à-dire que le travail qui consiste à se donner pour sol ou pour point de départ ou pour tremplin, le seul meuble de l'actu, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Avant, quand j'étais sur France Culture, l'actu venait en lumière, illustrer telle ou telle théorie, tel ou tel texte classique. Et donc, on pouvait tisser des liens, mais on retrouvait l'actu en partant des textes classiques. Là, c'est la démarche inverse. On retrouve les textes classiques, mais en partant de l'actu la plus quotidienne. L'intérêt étant que les événements de l'actu étant familiers à tous, ce à quoi je me réfère est parfaitement intelligible par tout le monde, et donc ça me permet en contrebande ensuite de faire passer quelques théorèmes ou théories. Raphaël Antoven, on va terminer cette émission en citant la dernière phrase de votre livre. C'est armé de connaissances et non de rêves qu'il faut mener le combat. Oui, je pensais à Don Quichotte. Dans le Don Quichotte, l'épisode des moulins à vent, dont j'ai longtemps cru que c'était le chapitre 13, parce que c'est ce que Cyrano raconte à De Guiche, en fait c'est le chapitre 8. L'épisode des moulins à vent de Don Quichotte est un épisode très très important, puisque voilà un homme qui voit des moulins qui tournent, dont la mécanique est neutre, n'a pas d'intention, et qui décide d'y voir des titans, des géants. Alors, à première vue, aux yeux du lecteur, le type est fou. En réalité, l'espèce de folie dont il témoigne est la folie dont tout le monde est atteint à la seconde où l'on veut, parce que c'est plus commode, interpréter un mécanisme comme une intention. Quand on fait les frais de quelque chose, quand on n'a pas de chance, quand le hasard ne nous est pas favorable, on a besoin d'y voir une intention maligne en son principe. Et c'est le syndrome de Don Quichotte. L'exemple que je prends avec ça, c'est la mondialisation. On a voulu penser que la mondialisation était l'œuvre d'une caste close sur elle-même et qui tirerait les marrons du feu, alors que c'est un mécanisme qui se fout de savoir qui est l'élu et qui est le réprouvé. Bref, le rêve et de croire qu'il y a une intention derrière ce qui nous nuit, comme si ce qui nous nuit voulait nous nuire, alors que la connaissance impose de comprendre qu'il n'y a là que des mécanismes, qu'il est important de comprendre avant de les juger pour bien les combattre. Merci Raphaël Etrovel d'être venu partager avec nous la conversation scientifique, cette énergie cultivée et je dirais même cultivatrice qui est la vôtre. Ne changez pas d'avis. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Claire Levasseur et à la réalisation François Connac, le grand François Connac. Le seul. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Honodibio pour le temps des écrivains.